Vous aimez être à la pointe du raffinement ? DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec ses projecteurs ciselés tels des pièces de joaillerie et ses feux tridimensionnels en forme d'écaille, ce SUV d'avant-garde incarne le savoir-faire français. Paré de matériaux nobles, comme le cuir Napa sublimé par des coutures point perles, l'alcantara ou le cristal noir, DS7 Crossback signe un intérieur haute couture. DS Automobile vous convie à essayer DS7 Crossback dans son nouveau réseau exclusif. Détails sur dsautomobile.fr. Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. C'est l'heure de remonter le temps. Aujourd'hui dans l'histoire. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 27 avril avez-vous choisi de nous rappeler ? Le 27 avril 1848, ça fait partie des dates nobles de l'histoire de France puisque c'est le jour de l'abolition définitive de l'esclavage dans notre pays. Et dites-moi, pourquoi est-ce qu'on a attendu cette date, Franck ? Alors en vérité, il y a eu plusieurs dates. L'esclavage avait déjà été aboli pendant la Révolution en 1794 seulement, rappelez-vous l'abbé Grégoire, etc. Bonaparte avait rétabli l'esclavage en 1802. Il faut bien comprendre que les enjeux économiques de cet esclavage étaient extrêmement importants. C'est de la main-d'œuvre gratuite, tout simplement. C'est d'un cynisme certain, mais c'est ainsi. Et pour être tout à fait exact d'ailleurs, il faut dire que l'esclavage était interdit depuis des siècles en France, officiellement depuis le règne de Louis X. Louis X le Hutin, qui proclamait que le sol français affranchissait l'esclave qui venait à le toucher. Et puis l'Église catholique s'était toujours opposée, évidemment, par principe à la servitude. Ouais, mais c'était différents dans les colonies. Eh bien voilà, à la Martinique, à Sainte-Lucie ou Saint-Martin par exemple, il faut dire que depuis des générations, le débat sur l'esclavage était récurrent. Au milieu du 19e siècle, donc, les libéraux, au sens libéraux de l'époque, se battent activement pour abolir d'abord la traite et puis l'esclavage en soi, mais d'autres freinent les avancées en arguant notamment du fait que les esclaves ne seraient pas prêts à recevoir la liberté. Vous savez, c'est toujours le même discours. On connaît le nom du véritable déclencheur, Franck. Évidemment, c'est Victor Schœlcher qui a écrit des livres sur la question, il connaît très bien le dossier. À la chute de Louis-Philippe, il est nommé sous-secrétaire d'État de la Deuxième République et donc le 27 avril 48, 12 décrets sont présentés. C'est l'émancipation de tous les esclaves, 248 000 vont être libérés et d'autres pays, vous savez, vont entamer le même processus d'affranchissement. Franck, on se retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une émission sur le cheval à l'occasion de la réouverture de l'hippodrome de Longchamp.